Chapitre 4. Je vous demande pardon de vous avoir fait attendre, me dit-il tout de suite. Je viens de recevoir seulement votre petit bleu. Enfin, dis-je en ouvrant la porte de mon cabinet. Et quand nous fûmes enfermés, je mis le policier au courant de ce que je venais de découvrir. L'importance de ce fait ne lui échappa point. En effet, dit-il, il y a là quelque chose de très intéressant. Puis il se mit à réfléchir. Le parc de Montsouris. Les catacombes doivent passer dessous. Il faudrait faire une excursion demain. Ne sera-ce pas trop tard? Trop tard. Si cette malheureuse, dont j'ai entendu la voix, est sur le point de succomber? Nous ne pouvons pénétrer dans les catacombes la nuit. Le gardien n'en ouvrirait pas les portes. En lui disant qu'il y a urgence, il faudra donc le mettre au courant de ce que nous cherchons. C'est vrai. Et puis que cherchons-nous? Nous ne le savons pas trop nous-mêmes. Peut-être avez-vous été dupe d'une illusion. C'est encore vrai. Il vaut mieux attendre à demain, voyez-vous. Attendons, dis-je, mais je ne vais pas vivre. Il ne faut pas vous forger de trop grands espoirs. La déception serait ensuite trop cruelle. Vous ne croyez pas que c'est elle que nous avons entendue? Je ne sais pas, pas plus que vous. Je ne me couchais pas cette nuit-là, et je ne rentrais chez moi que pour y attendre Riquet, dit la souris grise. Il devait venir m'y prendre pour m'accompagner dans ma visite aux catacombes. Qu'allait produire cette visite? Voilà ce que je me demandais avec angoisse. Apporterait-elle quelque lumière dans l'obscurité où je me débattais? Me mettrait-elle sur les traces de ma chère Raymonde? Je n'osais l'espérer et je ne savais que penser. Tout ce qui aurait pu me donner de l'espoir ne faisait qu'augmenter mon désarroi moral. Cette nuit sans sommeil m'avait étrangement énervé. En attendant le policier, je me fis préparer un bain, pensant que le bain me calmerait un peu. Mais pouvais-je distraire ma pensée de ce qui l'obsédait? Pouvais-je avoir dans l'esprit d'autre idée que l'idée de la chair disparue? Raymonde, Raymonde, est-ce donc toi que j'ai entendu? Et vais-je enfin te retrouver? Je n'osais pas y croire. C'eût été vraiment un trop grand bonheur, un trop incompréhensible miracle. Mais pourtant, ces plaintes avaient été proférées par quelqu'un, et elles partaient de quelque lieu souterrain. Il y avait donc quelqu'un enfermé sous terre à l'endroit où j'avais écouté, et quelqu'un qui souffrait. Pourquoi ne serait-ce pas Raymonde? Ce pouvait être Raymonde aussi bien qu'une autre. Raymonde qui avait disparu, avait été enfermée quelque part, dans quelque caverne où sûrement on la croyait à l'abri de toute tentative pour la délivrer. Je me faisais de ces idées. Je me berçais de ces espoirs insensés. C'était fou. Et par moments, pensant à l'absurdité de telles illusions, je me demandais si je n'avais pas en effet perdu la raison. Et je n'étais pas loin de la perdre, peut-être, tant l'excès de mon malheur m'avait déprimé et m'empêchait de voir sainement les choses, me faisant passer tour à tour de l'exaltation la plus folle à l'abattement le plus morne. J'étais à peine sorti du bain que l'on sonna. « C'est le monsieur que monsieur attend, » vint me dire Joseph. « Bon, faites entrer. » Mon valet de chambre introduisit le détective dans mon cabinet et je ne tardais pas à le rejoindre. « J'ai beaucoup réfléchi, » me dit Riquet. « Je me suis procuré un plan des catacombes. Il ne me semble pas possible qu'on y ait enfermé une femme. Comment aurait-on pu y pénétrer? Il y a peut-être une autre entrée que celle que l'on connaît et par laquelle le public accède. Cela me semble bien difficile. Que pensez-vous alors? Que les plaintes peuvent provenir d'une cave, d'un souterrain, communiquant avec les sous-sols d'une maison voisine. Le massif près duquel les gémissements ont été entendus est situé à l'extrémité du parc, non loin des habitations. Alors notre visite dans les catacombes serait inutile? Pas du tout. Nous pourrons peut-être nous avancer ainsi tout près de l'endroit d'où partent les plaintes et découvrir d'où elles viennent. Quand nous sommes sûrs de ne pas nous tromper et que ce sont bien des gémissements que nous avons entendus, nous ferons une perquisition dans les caves des maisons voisines. Alors nous partons? Nous partons. Une demi-heure après, nous étions place d'Enfer au Chereau, où se trouve l'entrée des catacombes. Riquet connaissait un des gardiens. Il lui raconta qu'il était chargé par la sûreté de faire certaines recherches. L'homme, un vieux médaillé, se mit entièrement à notre service et nous fournit tout ce qui pouvait nous être nécessaire pour notre expédition, lumière, piques, pioches, etc. Je laissai Riquet prendre avec lui toutes les dispositions nécessaires, car j'étais incapable de m'occuper de quoi que ce fût. Sur le point d'arriver au but ou de subir une déception nouvelle, j'étais tellement ému qu'il me semblait agir comme en un rêve. Je me laissais guider comme si j'étais en état de somnambulisme incapable de faire de moi-même un mouvement, ou même d'avoir une idée. Je me demandais maintenant si j'avais bien entendu des plaintes, ou si je n'avais pas été le jouet d'une hallucination. Mais il y avait le gamin. Le gamin avait entendu comme moi.